À 3 heures, maître Berthier, successeur de Cardot, lut le contrat de mariage, après une courte conférence entre Crevel et lui, car certains articles dépendaient de la résolution que prendraient monsieur et madame Hulot-Jeune. Crevel reconnaissait à sa future épouse une fortune composée, premièrement, de 40 000 francs de rente, dont les titres étaient désignés, deuxièmement, de l'hôtel et de tout le mobilier qu'il contenait, et troisièmement, de 3 000 000 en argent. En outre, il faisait à sa future épouse toutes les donations permises par la loi. Il la dispensait de tout inventaire, et dans le cas où, lors de leur décès, les conjoints se trouveraient sans enfants, ils se donnaient respectivement l'un à l'autre l'universalité de leurs biens, meubles et immeubles. Ce contrat réduisait la fortune de Crevel à 2 000 000 de capital. S'il avait des enfants de sa nouvelle femme, il restreignait la part de Célestine à 500 000 francs à cause de l'usufruit de sa propriété accordée à Valérie. C'était la 9e partie environ de sa fortune actuelle.